Sigismond, duc d'Autriche, t'envoie son salut. Il se souvient de ta vaillance dans la guerre quand tu luttais contre ces gens. Aujourd'hui, fatigué par des luttes stériles et prévoyant des menaces nouvelles, il veut offrir aux Suisses une paix perpétuelle. Qu'attend-il en échange ? Il n'attend que la paix. Ce langage est nouveau de sa part. Et qu'en pense l'envoyé de Berne ? Il songe à la menace du téméraire, lourde menace pour qui n'a pas d'alliés puissants et proches. Aussi t'apporte-t-il la nouvelle d'un traité conclu par ses soins avec le roi de France. Deux alliances. C'est beaucoup. La force d'un côté et de l'autre, la ruse. Petit troupeau de Suisses, te voilà bien gardé par le renard et par le loup. Votre paix est tournée vers la guerre. Qu'avons-nous besoin de richesses? La pauvreté fait notre force et les richesses divisent un peuple. Et pourquoi ces alliances étrangères? Nos ancêtres n'en voulaient point. Confédérés, confédérés, réveillez-vous! N'écoutez pas le tentateur! Tout un peuple a prêté l'oreille. Mais le grand vent des plaines s'est levé. Il emporte la voix du guetteur. Nicolas! Nicolas! Hélas! Et sans vain que là-haut tu veilles, à l'horizon paraissent les présages. Nous ici, voyons une aurore éclatante de gloire et d'or. Toi de là-haut, vois l'orage futur et la dévastation des liens sacrés. Quel est ce rêve qui se lève avec le vent des plaines et de la guerre? Hélas, où courons-nous ?